إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, on rentre dans le cours numéro 2 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on a commencé à expliquer donc l'introduction, la première partie de la Risala de Al-Usul al-Thalatha, comme on a expliqué qu'elle est divisée en quatre parties. La première partie, c'est les quatre points qui expliquent Surat al-Asr. La deuxième partie, c'est les trois points que le Cheikh a mentionnés, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, et également Al-Wala wal-Bara. Puis la troisième partie, c'est la clarification de la religion d'Abraham, Al-Hanifiyya, et la quatrième partie, c'est l'explication des trois fondements. Donc là, maintenant, on est dans la première partie, l'explication des quatre éléments qui expliquent Surat al-Asr. Et on a dit que c'était quatre choses, comme le Cheikh, il le dit. I'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allum arba' masail. I'lam rahimakallah, أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Donc la façon dont on va avancer inshallah dans les cours, on va faire en sorte que inshallah les frères puissent prendre les notes, et lorsqu'il y a des choses importantes, je vais vous les indiquer encore plus pour que vous sachiez que c'est des choses importantes que vous devez prendre par écrit. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire aussi, donc inshallah, s'il y a quelque chose qui est important que vous voulez noter, que vous n'avez pas le temps de le noter parce que ça va vite, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'arrêter, Inch'Allah, et me demander de répéter, et Inch'Allah, je vais répéter pour vous permettre, Inch'Allah, de pouvoir écrire les explications. Donc, vous voyez que, alhamdoulilah, le frère Mohamed, il a ramené les crayons avec les feuilles pour les frères qui veulent prendre des notes. Donc, alhamdoulilah, c'est très important, inshallah, de noter la science et de l'écrire. Les ulama, ils appelaient ça, même il y a des shuyukh comme l'imam al-Baghdadi, al-Khatib al-Baghdadi, il a écrit un livre qui s'appelle Taqyid al-Ilm. Taqyid al-Ilm. C'est-à-dire de prendre la science en note et de l'écrire pour être sûr qu'on la garde et on la perd pas. Parce que des fois, on s'assoit dans un dars, on écoute, puis après, il y a beaucoup de choses, on pense qu'on les a mémorisées, puis on les oublie. Aussi, il y a une chose importante, c'est que vous allez prendre des notes. Il ne faut pas juste prendre les notes, puis quand vous rentrez à la maison, vous mettez ça sur la table ou dans l'étagère, puis après, vous les relisez pas après. Donc les notes, c'est bien de les prendre, mais il faut les revoir, les relire après par la suite. Parce que si vous les relisez pas, mais vous allez l'oublier. Qu'est-ce que vous avez noté? Donc il faut relire les notes. Et également, Inch'Allah, c'est bien de prendre cette méthode-là, Inch'Allah. Puis il y a des frères qui avaient proposé qu'on fasse les cours un peu plus comme une sorte de classe, hein, comme par exemple de prendre des notes, c'est-à-dire de répéter les définitions, puis de faire transcrire, chaque personne doit retranscrire tout ce qui est dit pour que chaque personne ait les notes avec lui. Bon, ça c'est une proposition qui a été faite. Inch'Allah, on va essayer de faire quelque chose qui s'approche un peu plus de ça pour permettre aux frères de prendre des notes. Hein? Donc, on va donc expliquer les quatre points que le cheikh a mentionnés. Il dit, sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous de connaître quatre choses. Donc, quand il dit, il est obligatoire pour nous de connaître quatre choses, hein, le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit, qawluhu yajib, al-wajib huwa ma yuthabu fa'iluhu, wa yu'aqabu tarikuhu. Wal-mustahabu huwa ma yuthabu fa'iluhu, wa la yu'aqabu tarikuhu. Wal-mubahu la thawaba fi fi'lihi, wa la iqaba fi tarkihi. فقوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من المباح بل هو من الواجب العيني. Donc ça c'est un point important, il faut le noter inshallah. C'est que le cheikh il explique là que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il nous dit qu'il est obligatoire. Donc il faut savoir qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Et le mot pour dire que quelque chose est obligatoire, ou un des mots pour dire que quelque chose est obligatoire en arabe, c'est al-wujub. Wujub. Hein? Et puis le verbe, c'est yajib. Il est obligatoire. Le verbe, c'est yajib. Donc quand on dit que quelque chose est wajib, wujub, c'est l'obligation. Quand on dit que quelque chose est obligatoire, on dit que c'est wajib. Naam. On peut aussi dire fard. Ok. Fard ou wajib. C'est des différents termes qui sont utilisés pour mentionner que quelque chose est obligatoire. D'accord? Donc là, le cheikh il dit que c'est obligatoire. Là, il y a des définitions qui ont été données par les ulama de Usul al-Fiqh pour expliquer les définitions de ces terminologies-là. Ça, quand on dit que quelque chose, par exemple, si on dit qu'il y a cinq règles, premièrement, il y a cinq règles dans les principes de Usul al-Fiqh. Il y a al-wajib ou al-wujub, hein, al-muharram, c'est qu'est-ce qui est interdit, al-wajib, c'est qu'est-ce qui est obligatoire, al-muharram ou al-haram, c'est qu'est-ce qui est interdit, al-makruh, c'est qu'est-ce qui est détestable, makruh. Al-mustahab. Al-mustahab, c'est qu'est-ce qui est aimé, qu'est-ce qui est recommandé. Hein? Et al-mubah. Al-mubah, c'est qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est licite. Ou qu'est-ce qui est halal, je veux dire. D'accord? Donc ça, c'est les cinq règles. Al-makruh, c'est qu'est-ce qui est détestable. Et les savants, ils ont défini ces termes-là par des définitions pour nous faire comprendre qu'est-ce que ça implique. Mustahab, ça veut dire qu'est-ce qui est recommandé. Mustahab, c'est qu'est-ce qui est recommandé. Al-mubah, c'est qu'est-ce qui est licite ou qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est permis. Ouais, qu'est-ce qui est haram, c'est qu'est-ce qui est interdit. Maintenant, les ulama, ils ont défini ça, ces définitions-là, par différentes façons. Ils ont dit que qu'est-ce qui est wajib, c'est qu'est-ce que si tu le fais tu vas être récompensé et si tu le fais pas tu vas être puni. Ça c'est le wajib. Si tu le fais, t'es récompensé. Si tu le fais pas, t'es puni. Le mustahab, c'est si tu le fais, tu es récompensé. Qu'est-ce qui est recommandé, hein, mustahab. Si tu le fais, tu vas être récompensé. Si tu le fais pas, tu seras pas puni. Qu'est-ce qui est mubah? Que tu le fais ou que tu le fasses pas, tu seras pas récompensé ni puni. Le mubah. C'est-à-dire, si tu le fais ou si tu le fais pas, tu vas pas être puni ou récompensé de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait. Dans peu importe dans lequel des sens tu le prends. Parce que c'est quelque chose qui est mubah. Et al-makruh, les ulama l'ont expliqué en disant que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, al-makruh, ils ont dit que c'est la chose que si tu le fais pas, tu es récompensé, mais si tu le fais, tu ne vas pas être puni. C'est le contraire de al-mustahab. Si tu le fais pas, tu es récompensé. Si tu le fais, tu vas pas être puni. D'accord? Donc, à la base, ça c'est les définitions que les ulama ont ramenées. Et ça c'est pour nous faciliter ou pour nous aider à comprendre. C'est les cinq règles. Quand on parle de al-ahkam, al-ahkam al-shar'iyya, on parle de ces cinq règles-là. Il y en a cinq. Est-ce qu'il y en manque une? Et le muharram, qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est interdit? Oui, qu'est-ce qui est haram ou muharram? Ça, muharram, ça veut dire quelque chose qui a été interdit. Tu peux dire quelque chose qui est haram ou qui est muharram, ça veut dire qui a été interdit. Hein? Celui-là, si tu le fais, tu vas être puni. Et si tu le fais pas, tu es récompensé. D'accord? Donc ça, c'est qu'est-ce qui est haram. Donc ça, c'est les définitions des termes de qu'on appelle al-ahkam. Al-ahkam al-shara'iyya. Et donc le cheikh explique ici, il dit que lorsque le cheikh il dit que ça c'est obligatoire pour nous de l'apprendre, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est recommandé seulement, c'est pas quelque chose qui est permis seulement, c'est quelque chose qui est obligatoire et qui est obligatoire à chaque musulman, à chaque individu. D'accord? Donc tout le monde doit l'apprendre. Le cheikh dit فَإِذَا تَرَكْنَا تَعَلُّمُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّنَا نَأْثَمُ لأن هذا شأن الواجب لم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا بل قال يجب علينا وجوبا والوجوب معناه الحتم من تركه يأثم لأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب هذا هو التعلم. Donc le cheikh explique, il dit quand on dit que c'est obligatoire, ça veut dire que ça fait partie des sujets ou des questions que si on ne les apprend pas ou si on a abandonné leur apprentissage, ça veut dire que on fait un péché. Ça veut dire que c'est pas nécessaire que ça ne veut pas dire si quelqu'un apprend pas le livre Al-Usul al-Thalatha, il fait un péché. Ça veut dire que celui qui n'apprend pas ce que contient le livre de Al-Usul al-Thalatha, il commet un péché. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont les bases de l'islam, les bases de la croyance, les bases de la religion. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire à chaque individu musulman. Celui qui ne l'apprend pas, étant donné qu'on a dit que le wajib, c'est si tu le fais, tu vas être récompensé, si tu ne le fais pas, tu vas être puni, celui qui n'apprend pas cette science-là, il a commis un péché. Il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, ça c'est ça le wajib. Et donc le pardon. Là je pensais que tu m'avais dit quelque chose. Donc le cheikh il dit, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ici, il dit pas que c'est quelque chose qui est recommandé ou que quelque chose qui est bon de faire. Il dit c'est obligatoire. Hein? Et donc ça veut dire que yani, t'as pas le choix de le faire. Si tu le fais pas, tu fais un péché. Et il dit que la science, tu peux pas l'obtenir excepté en étudiant. C'est la façon d'apprendre en étudiant. Et donc tu peux pas juste, hein, comme par exemple certaines personnes, comme les soufis par exemple, eux ils s'imaginent parfois que ils peuvent avoir la science juste comme ça, par respiration, ou bien par des rêves, ou bien juste en restant assis à faire des zikr, des choses comme ça, qu'ils deviennent des ulama. Pas besoin d'aller étudier avec les savants de l'islam, pas besoin de se fatiguer, hein? Ça c'est la paresse, c'est la paresse qui les a amenés à ça, et le shaitan qui a joué avec eux. Et c'est pour ça qu'ils restent dans l'ignorance et qu'ils éloignent les étudiants des savants de l'islam, et qui critique les savants de l'islam en disant au sujet des savants de l'islam, ah, les savants de l'islam, ils aiment la dunya ou des choses comme ça. Et eux, tandis que eux, ils disent, nous, on s'éloigne de la dunya, on veut pas avoir de part de la dunya, donc on veut pas savoir rien à propos de la science. Et ça, c'est grave. Hein? Eux, ils pensent qu'ils ont une science directe avec Dieu. Dieu leur parle ou leur révèle des choses. Non, le cheikh il dit la science, tu dois l'étudier pour l'apprendre. Et ça demande quoi? Ça demande que tu fasses des efforts, que tu donnes à ton apprentissage du temps. Tu peux pas apprendre sans faire d'efforts et tu peux pas apprendre sans donner du temps à l'apprentissage. C'est comme les gens qui, quand on leur demande d'étudier ou de venir à un cours ou à un dars, ils disent « j'ai pas le temps ». Hein? Cheikh Al-Fawzan, il a dit à ce sujet-là, il a dit « Subhanallah, comment ça se fait que t'as pas le temps ?» Il a dit « t'as seulement le temps pour la dunya ? T'as seulement le temps pour manger, pour dormir, hein, pour travailler ?» Pour faire tout ça, mais pour ta religion, t'as pas le temps. Pour apprendre la raison pour laquelle tu as été créé, t'as pas le temps. Ça, c'est pas normal. Hein? Donc, tu dois apprendre, tu dois faire des efforts. Puis, tu dois essayer de, ça demande de la compréhension. Et ça demande également de la présence de cœur. C'est ça, l'apprentissage. D'accord? Donc, les frères, maintenant, alhamdoulilah, on va essayer de faire des efforts pour vraiment profiter de ces cours en prenant des notes, en essayant de reviser, en essayant de mettre vos connaissances et vos apprentissages à l'épreuve pour voir qu'est-ce que vous avez vraiment mémorisé de ce qu'on a appris. Donc le cheikh il dit ensuite qawluhu arba' masa'il. Yani c'est obligatoire pour nous d'apprendre 4 points. Yani mabahith summiyat masa'il لأنها يجب أن يسأل عنها ويعنى بها. Donc on dit, comment on dit en français, on dit il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 questions ou 4 points. Donc quand on parle de points ou de questions, ça désigne en fait des sujets ou des recherches au sujet au sujet desquels il est obligatoire pour nous de poser des questions. C'est pour ça qu'on dit en arabe masa'il. Masa'il, c'est le pluriel de mas'ala. Ça veut dire des choses au sujet desquelles on doit questionner. On doit poser des questions à ce sujet-là. Et on doit se préoccuper de ces questions-là. Qawluhu, donc la première de ces choses-là, c'est quoi? Al-ilm. La première de ces choses-là qu'on doit faire, c'est apprendre la science et avoir la connaissance. Al-muradu bil-ilm huna huwa al-ilm al-shar'i. لأنه هو الذي يجب تعلمه وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم ذكر وأنثى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حر أو عبد على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد غني أو فقير ملك أو صعلوك كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربعة. Le Cheikh il dit donc, la science, qu'est-ce qu'on veut dire par la science? Est-ce qu'on parle de la chimie, de la physique, hein, de la biologie? Non, on parle de la science de la charia. C'est de cette science-là qu'on parle. Et c'est obligatoire pour nous de l'apprendre et de l'étudier. Et ça, c'est obligatoire quand on dit à tout le monde, ça veut dire à toute personne à tout musulman qui soit homme ou femme. Ça ne dit pas juste les hommes qui doivent apprendre cette science-là. Les femmes aussi. Il y en a qui ont la notion que l'étude de ces questions-là, de la religion, c'est juste pour les hommes. Les femmes, elles peuvent rester ignorantes. Non. Elles aussi, elles seront questionnées par Allah au jour de la résurrection. Et donc, c'est obligatoire pour elles aussi de connaître ces choses-là autant que pour les hommes. Et également, du fait que c'est elles qui éduquent les enfants. Donc, si elles sont ignorantes, qu'est-ce qu'elles vont transmettre à leurs enfants? Donc c'est important pour elles d'apprendre et de connaître ces choses-là. Que ce soit un individu qui est libre ou esclave, c'est obligatoire. S'il est musulman, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre, c'est obligatoire pour lui. Et également, qu'il soit riche ou pauvre, il doit l'apprendre. Et qu'il soit un roi ou qu'il soit un individu qui est simple ou pauvre, hein, il doit étudier ces questions-là. Le roi, il doit l'apprendre, le président doit l'apprendre, tout comme les simples citoyens, ils doivent l'étudier aussi. C'est obligatoire à chaque musulman d'apprendre ces quatre sujets-là ou ces quatre points-là qu'on va mentionner. Et le cheikh, il dit « وَهَذَا مَا يُسَمِّيهِ الْعُلَمَا بِالْوَاجِبِ الْعَيْنِ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فالصلوات الخمس على الرجال والنساء والصلاة الجماعة في المساجد على الرجال وهذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها ولذلك قال يجب علينا ولم يقل يجب على بعضنا وإنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين وهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان. Donc on va voir ici le cheikh explique, il dit cette catégorie, quand on dit que c'est obligatoire, il faut comprendre que quand on parle d'obligation, l'obligation dont on parle ici, c'est l'obligation qui est aïni. Qu'est-ce qu'on veut dire par aïni? C'est-à-dire que c'est obligatoire à chaque individu parmi les musulmans. Parce que, comme le cheikh il va l'expliquer, l'obligation, elle peut être divisée en deux catégories. D'accord? L'obligation, elle peut être divisée en deux catégories. Qu'est-ce qui est obligatoire à chaque individu? Ce qu'on appelle wajib aini ou al-fard al-fard ain. Des fois, vous allez entendre l'expression fard ain ou wajib aini. Les deux, ça, fard ain ou wajib ain. Les deux, ça veut dire la même chose. Et la deuxième catégorie, c'est wajibun kifai ou bien fard kifaya. Hein, des fois, vous allez entendre l'expression fard kifaya. Fard kifaya, ça veut dire, comme on a dit, fard ain, c'est une obligation individuelle à chaque musulman, et fard aini, ça veut dire une obligation générale à toute la umma, à tous les musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obligatoire générale, fard kifaya ou kifaya, wajibun kifai ou fard kifaya, ça c'est une obligation générale pour toute la umma en entier. C'est-à-dire, Allah il demande à toute la umma de le faire. Et du moment qu'il y a une portion de la umma qui est suffisante, qu'il l'a accomplie, alors dans ce moment-là, dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour le reste. D'accord? Ça reste recommandé pour le reste de le faire. mais c'est pas obligatoire s'il y a une proportion suffisante de musulmans qui le fait. C'est pour ça qu'on dit fard kifaya, c'est-à-dire yakfi, c'est suffisant. Donc du moment qu'il y a une portion suffisante des musulmans qui l'ont accompli cette obligation-là, pour le reste, ça devient recommandé, ce n'est plus obligatoire. Par contre, si tous les musulmans le laissent de côté et ne l'appliquent pas cette obligation-là, alors ils sont considérés comme étant tous dans le péché ensemble jusqu'à ce que quelqu'un l'accomplisse, cette obligation-là. Donc ça, c'est les deux façons ou les deux divisions de par rapport à ce qui est obligatoire. Hein, il y a al-fard ayn et al-fard kifaya. Exact. Donc le cheikh il donne des exemples pour nous aider à comprendre justement. Il dit comme par exemple, il y a des obligations qui sont ayni, qui sont individuelles à chaque musulman, comme les cinq prières. C'est obligatoire pour tous les hommes, toutes les femmes, sans exception. Hein? Du moment que la personne a atteint l'âge de la puberté, ça devient obligatoire à chaque homme et femme. De même que la prière en jama'a à la mosquée pour les hommes. D'accord? Ça aussi c'est un exemple. Et il dit également, barakallahu fik. Alhamdulillah. Ensuite, le cheikh il dit également, donc ça c'est un exemple de fard ayn. Voilà, donc ça c'est obligatoire à chaque individu, ce livre, de l'apprendre. Ou de qu'est-ce que ce livre-là contient, c'est obligatoire à chaque musulman de l'apprendre. Ah oui les frères, il faut prendre un crayon avec des feuilles pour pouvoir prendre des notes. C'est la nouvelle politique. D'accord? Il n'y a plus d'écoute passive là. Et puis c'est pour votre bien de toute façon. Il n'y a personne qui va être perdant en prenant des notes. Ouais, c'est mieux de prendre plusieurs pages, comme ça vous n'allez pas percer la feuille avec votre crayon. Si vous en prenez juste une, vous allez faire des trous dedans avec le crayon. Non. Ok, d'accord. Donc il dit ici, il est obligatoire pour nous, chaque individu musulman, de l'apprendre, qu'est-ce qui est dans ce livre. Il n'a pas dit à certains d'entre nous, il a dit à tous, à chacun d'entre nous, les musulmans. Et donc, ça, c'est parmi les sciences qui sont fard ayn. Il dit, لأن العلم ينقسم إلى قسمين، الأول ما يجب تعلمه على الأعيان، فلا يعذر أحد بجهله، وهذا ما لا يستقيم الدين إلا به. مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لا يجوز لمسلم أن يجهلها بل لا بد له أن يتعلمها لأن تعلم معنى الشهادتين إنما هو تعلم العقيدة يتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها ويتعلم ما يضادها من أجل أن يتجنبه هذا مضمون الشهادتين. Donc le cheikh explique que il y a deux catégories de sciences, une science qui est obligatoire à tout individu parmi les musulmans et une science qui est fard kifaya, comme on l'a dit. Parmi qu'est-ce qui est obligatoire, quand on dit que c'est obligatoire à chaque individu, c'est-à-dire que personne est excusé d'ignorer ces choses-là. Personne n'est excusé d'ignorer ces choses-là. Comme par exemple, les choses que ta religion ne pourra pas être établie ou droite, excepté si tu les as connues ou si tu les as apprises. Comme par exemple, les cinq piliers de l'islam. C'est obligatoire à chaque personne de les connaître. Hein, bien entendu, de savoir les choses qui sont expliquées dans ces détails, pas nécessairement dans les détails, mais de les connaître, ceux qui sont obligatoires, comme par exemple, en particulier, al-shahadatayn, les deux témoignages, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, l'établissement de la salat, parce que ça, tu dois le faire tous les jours, et l'obligation de la zakat, lorsque c'est obligatoire pour toi de donner la zakat, et les règles du ramadan, lorsque c'est obligatoire pour toi de jeûner le ramadan, et les règles du hajj, lorsque c'est nécessaire pour toi d'aller faire ton hajj. D'accord? Ça, ces choses-là, tu dois les connaître. C'est fard ayn de les connaître au moment où elles sont obligatoires. D'accord? Et en particulier donc l'apprentissage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ça t'as pas le choix de l'apprendre. Donc il dit l'apprentissage de shahadatain, ça inclut ou ça comprend ou ça signifie d'apprendre la aqidah. Et tu peux uniquement donc être un musulman si tu l'as appris. Donc le musulman, il apprend sa aqida dans le but de l'appliquer, dans le but d'agir selon ce qui est enseigné dans cette aqida, dans cette croyance. Et il apprend également ce qui s'oppose à cette aqida. Donc il apprend la aqida, mais ce n'est pas juste de dire comme certains qui disent « Ah, c'est suffisant de connaître la vérité ». Non, tu dois connaître la vérité et tu dois connaître ce qui s'oppose à la vérité dans le but de t'en écarter. Hein? Parce que si tu connais juste la vérité et tu connais pas le faux, tu risques de tomber dedans. Hein? Donc le cheikh explique, tu dois connaître qu'est-ce qui est expliqué dans ces yani, dans ce témoignage, et tu dois savoir ce qui s'y oppose et qu'est-ce que ça implique ce témoignage. Le cheikh il dit wa kadhalika yata'allamu arkan as-salat wa shurut as-salat wa wajibat as-salat وسنن الصلاة لا بد أن يتعلم بالتفصيل هذه الأمور ليس مجرد أنه يصلي وهو لا يعرف أحكام الصلاة كيف يعمل الإنسان عملا وهو لا يعلم هذا العمل الذي يؤديه كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة ومبطلات الصلاة La Buddha ayat al-Mahada. Le Cheikh explique, il dit également, tu dois apprendre obligatoirement les piliers de la prière. La prière, elle a des piliers, elle a des conditions, elle a des obligations, elle a des choses qui sont recommandées dedans. Tu dois apprendre ces choses-là, tu dois savoir les distinguer, tu dois savoir ce qu'elles sont. Et tu dois les apprendre en détail, ces choses-là. C'est pas juste de dire que tu fais ta prière et tu pries. Hein, il y a des gens, par exemple, il y a des musulmans, c'est comme ça. Ils ont appris, leurs parents leur ont montré, ou leurs grands-parents leur ont montré quand ils étaient petits, et ils ont suivi ce que leurs grands-parents ou leurs parents leur ont montré, et puis ils se sont arrêtés là. Et ils continuent de prier de cette manière-là, sans savoir exactement si leur prière elle est correcte, ou sans essayer de comprendre les preuves et les détails, les conditions, les sunnahs, les obligations. Et donc ça, c'est important de les connaître. Ben, tu vois? Masha'Allah, Masha'Allah, tu vois? Barakallahu fik. Donc c'est comme le frère, il l'explique. Même le wudu, des fois, les gens ils font le wudu d'une façon, ils s'imaginent que ils ont bien appris, puis finalement ils réalisent que par la suite ils avaient beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes dans leur wudu, par exemple. Et le wudu, ça fait partie des conditions de la prière, parce que pour prier il faut être pur. Donc ça fait partie des conditions de la prière. Et également, qu'est-ce qui vient annuler ta prière? Ça, c'est important de les connaître. Parce que peut-être tu pries, tu fais quelque chose qui annule ta prière, puis tu ne le sais même pas. Donc ta prière, elle n'aura pas de valeur. Et donc ça, c'est grave. Donc ça, ce sont des choses, tu n'as pas le choix de les connaître. Donc c'est pas juste de prier comme ça pour prier, mais c'est de prier correctement. De savoir que tu fais ta prière d'une manière qui va avoir une valeur, hein, et non pas de prier alors que tu es ignorant des règles de la prière. Donc tu dois les connaître, ces choses-là. Ensuite, il dit وَكَذَلِكَ يَتَعَلَّمُ أَحْكَامَ الزَّكَاءِ وَيَتَعَلَّمُ أَحْكَامَ الصِّيَامِ ويتعلم أحكام الحج، فإذا أراد أن يحج وجب عليه تعلم أحكام الحج وأحكام العمرة من أجل أن يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع. على الوجه المشروع. Donc le cheikh il dit de même que les règles de la zakat, les règles du jeûne, les règles du hajj. Par exemple, les règles de la zakat. Si t'es une personne qui est pauvre et que tu vas pas payer de zakat, c'est pas obligatoire pour toi d'étudier les détails de la zakat. Mais du moment que t'as certaines sommes d'argent et que ça devient obligatoire pour toi de payer la zakat, donc dans ce cas-là, tu dois étudier les règles de la zakat pour donner ta zakat correctement. La même chose avec les règles du jeûne. Lorsque le jeûne arrive, tu dois connaître les règles du jeûne. Hein? Et pour le hajj, lorsque tu veux faire le hajj, c'est obligatoire pour toi dans ce cas-là d'apprendre les règles du hajj et les règles de la umrah pour être capable de faire ces adorations-là correctement selon la façon dont Allah les a légiférées. C'est pas juste de faire comme tout le monde. Hein? Il y a des gens qui vont arriver à la Mecque, ils vont faire le hajj ou la umrah, ils font juste suivre qu'est-ce que les autres font. Ils font juste imiter les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié les règles du hajj. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ils commencent à faire plein de bid'ah, ils font plein d'erreurs, ils font même des choses qui annulent leur umrah, ou qui annulent leur hajj, et ils ne savent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que suivre aveuglément les autres qui sont autour. Et ça, c'est incorrect. Quand tu adores Allah, tu dois adorer Allah d'une manière qui est acceptée par Allah et qui est ordonnée par Allah. Selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit ensuite وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله وهذا ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم. Donc cette catégorie là de science, c'est obligatoire à chaque musulman de le connaître. Ça fait partie de الواجب العيني, ou qu'est-ce qui est فرض عين, et c'est obligatoire à chaque musulman. D'accord. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. القسم الثاني من أقسام العلم وهو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة بمجموعها وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه مثل أحكام البيع وأحكام المعاملات وأحكام الأوقاف والمواريث والوصايا وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات. هذه لا بد منها للأمة لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا ليقوموا بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم وغير ذلك وهذا يسمى واجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط به الإثم عن الباقين وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. Donc le cheikh il dit que il y a également la deuxième catégorie de science, c'est yani qu'est-ce qui dépasse les règles de la charia que comme on a expliqué. Qu'est-ce qui dépasse les explications qu'on a mentionnées, yani, et que la Umma a besoin en général, dans son ensemble. La Umma en a besoin dans son ensemble, mais c'est pas nécessaire que chaque individu en ait besoin de ces sciences-là. Il y a des individus, ça se peut qu'ils en aient besoin, d'autres, ça se peut qu'ils en aient pas besoin. Donc ça, c'est fard kifaya, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le cheikh il donne des exemples de ça. Comme par exemple les règles de la charia en ce qui concerne al-bay'a, c'est-à-dire le commerce, al-bay'a. Ou bien les règles des mu'amalat. Al-mu'amalat c'est quoi? C'est les interactions entre les hommes et les transactions ou les... comme par exemple le mariage, le divorce, des choses de ce genre. Ça rentre dans les mu'amalat. Ou bien les règles de commerce, etc. Ça aussi, ça rentre dans les mu'amalat. Aussi, les règles, qu'est-ce qu'on appelle al-awqaf. Al-awqaf, c'est quoi? C'est comme par exemple, supposons que quelqu'un, il possède un arbre à fruits, ou un commerce, ou un immeuble. Il dit, après ma mort, je donne cet immeuble ou cet arbre comme waqf, fi sabilillah. C'est-à-dire, il fait que ses profits reviennent à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, quelqu'un il a un immeuble, ok, avec appartement. Et il dit, quand je vais mourir, cet immeuble, je veux que tous les revenus qui sortent de cet immeuble soient utilisés pour financer la mosquée, par exemple, ou pour financer la da'wah, ou pour financer le fait d'imprimer des livres sur l'islam, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle waqf. Hein? Waqf, on le laisse pour que ce soit utilisé pour les causes de l'islam. Donc ça, c'est pas tout le monde qui a besoin de connaître les détails de ces règles-là. De même que al-mawarif, c'est pas tout le monde qui a besoin de connaître les détails de l'héritage et des choses de ce genre. Ou bien al-wasaya, c'est-à-dire les testaments. Ou bien les règles, comme on a dit tout à l'heure, de mariage et de divorce. Ou bien les règles qui ont rapport avec les peines et les crimes. Pas tout le monde a besoin d'étudier ça. Hein? Mais, le cheikh il dit, mais il est obligatoire à chaque individu dans la Ummah, c'est-à-dire c'est pas obligatoire à chaque individu de la Ummah de l'apprendre, mais il faut qu'il y ait un nombre suffisant parmi les ulama qu'il l'apprenne. Si c'est le cas, dans ce cas-là c'est suffisant. D'accord? Parce que eux, ils vont être capables de répondre aux besoins des musulmans lorsqu'ils ont besoin de ces choses-là, soit par exemple du fait qu'ils vont être capables de juger lorsqu'il y a des problèmes dans ces questions-là et que les gens ont besoin d'aller, disons, se référer à un juge pour trancher dans les différends. Donc ils doivent connaître les règles de ces choses-là pour juger dans ces conflits, ou bien pour faire des fatwas, ou bien pour faire de l'enseignement, même si tout le monde ne doit pas l'apprendre, il doit y avoir certains qui sont capables de répondre à ces questions-là lorsque quelqu'un les pose. D'accord? Et ça c'est la responsabilité des ulama d'étudier ces choses-là. Et ce qu'on appelle wajibul kifaya ou bien fardul kifaya. S'il y a une portion qu'ils l'ont étudié ou qu'ils l'ont appris, c'est plus obligatoire pour le reste. Hein? Mais si tout le monde l'a abandonné, tout le monde est dans le péché dans ce cas-là. Le cheikh dit « Fala budda lil umma min unasin yata'allamuna hadha al-qism li'annahum bihajatin ilayhi walakin ma yuqalu likulli wahid يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة ولأنه إذا تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول فكل واحد مسؤول عنه بنفسه لأنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلا عن علم ولهذا قال الشيخ يجب علينا ولم يقل يجب على المسلمين أو يجب على بعضهم بل قال يجب علينا أي على كل واحد منا وجوبا عينيا. Donc, le cheikh il explique donc que la Ummah elle a besoin de cette catégorie-là. D'accord? Elle a besoin de cette catégorie-là. Mais on ne va pas dire à chaque individu, par exemple, il faut que tu étudies et que tu comprennes ces différents chapitres de la science et que c'est obligatoire à chaque individu. Imaginez si on disait aujourd'hui que étudier la science de la charia et tous ces chapitres, c'est obligatoire à chacun. Eh bien, ce serait plus possible. Bien entendu, parce que qui va s'occuper des autres aspects de la vie? si tout le monde devient des ulama, hein, c'est pas possible, hein. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui s'occupent de d'autres aspects des questions de la vie pour aider et gérer les questions de la dunya, hein. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une portion des musulmans qui se consacrent à l'étude de la science, de l'islam et des détails de la charia. Donc le cheikh, il dit, de toute façon, c'est pas possible à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la capacité non plus, ni la force d'apprendre ces questions-là ou ces choses-là. Et on voit que de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à certaines personnes, parfois certains dons, hein, il leur facilite à certains. Tu vois, certains, Allah leur donne une mémoire incroyable, hein. Et certains, d'autres, Allah leur donne une compréhension, yani, très grande. Et donc, Allah leur facilite. Tandis qu'à d'autres, non. Allah leur donne des dons dans d'autres choses. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça de cette manière. Hein? Donc, si une partie de la Ummah l'a fait, donc, c'est correct. Tandis que, contrairement à la première catégorie de science, c'est obligatoire à chaque individu, parce que chacun va être questionné sur ces choses-là. Et ce n'est pas possible d'appliquer ces choses-là, excepté si on a de la science. C'est pas possible de faire la prière sauf si tu connais les règles, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que le cheikh, il nous a dit, c'est obligatoire à chacun d'entre nous, c'est-à-dire c'est obligatoire aux musulmans et non pas à certains d'entre les musulmans, c'est obligatoire à tous les musulmans, individuellement. ولنعلم ايضا قبل الدخول في المسائل ان المراد بالعلم الذي يجب على الامه اما وجوبا عينيا او كفائيا أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh explique ici que il faut avant de commencer à expliquer ces différentes questions, il est important de savoir que quand on parle de la science ici, que ce soit la science, quand on dit la science qui est obligatoire pour la Ummah, que ce soit celle qui est obligatoire à chaque individu ou qui est obligatoire en général, on parle de la science de la charia, hein, parce que c'est la science qui a été ramenée par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite amma al-ilm ad-dunyawi ka'ilm as-sina'at wal-hiraf wal-hisab wal-riyadiyat wal-handasa fa hadha al-ilm mubah yubah ta'allumuhu wa qad yajib idha ihtajat al-umma ilayh yajib 'ala man yastati' walakin laysa huwa ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء المراد العلم الشرعي. Donc le cheikh explique ici, il dit, en ce qui concerne la science de la dunya, comme les différentes technologies, les différentes industries, les différentes arts. Quand on dit art, on parle pas de l'art, qu'est-ce que les koufars aujourd'hui appellent comme étant de l'art, mais on parle de l'artisanat, hein, l'artisanat. On parle également, par exemple, des sciences comme la science du calcul, ou la comptabilité, ou les mathématiques, ou l'ingénierie, ou toutes ces autres sciences-là, le cheikh, il dit que ça, ce sont des sciences qui sont permises. C'est permis de les étudier, et c'est possible parfois que ces sciences soient obligatoires lorsque la Ummah en a besoin. C'est obligatoire à celui qui en a la capacité, d'accord? Mais, bien entendu, c'est pas de cette science-là dont on parle et dont Allah fait l'éloge dans le Coran et dans la Sunna. La science dont Allah fait l'éloge dans le Coran et dans la Sunna, et dont il fait l'éloge de ceux qui la possèdent et qui glorifient ceux qui la possèdent, c'est la science de l'islam, la science de la charia. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Abu Daoud, hein, qui est rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud et Ibn Majah et At-Tirmidhi, et il est rapporté selon Abu Darda qui dit al-ulama ورثة الأنبياء, c'est-à-dire les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et qui a hérité des prophètes? Qui parmi les savants ou les gens qui ont une science ont hérité des prophètes? C'est les savants de la charia. C'est pas les savants de la dunya ou des questions de la dunya. Hein? Et en particulier, il y a un point que je voudrais mentionner à ce sujet-là ici, c'est que il y a une catégorie maintenant d'individus qui essaient de mettre au même degré ou au même niveau les ulama de la charia et les ulama des sciences de la dunya. Et ça, c'est une grave erreur et un grave égarement, puisque la science de la charia, étant donné que c'est la science qui explique et qui clarifie la religion d'Allah, est la plus d'importance et elle est plus importante que toutes les autres sciences parmi les sciences de la dunya. Et j'ai entendu une fois Tariq Ramadan dans une conférence qui était en train de parler que on doit appeler les savants, les médecins et les gens qui sont des spécialistes dans des domaines de la dunya, il disait qu'on doit eux aussi les appeler des ulama, hein, comme les ulama de l'islam. Et ça c'est une erreur et c'est incorrect. Et les ulama ont expliqué que quand on parle de ilm de manière absolue, sans l'associer à quelque chose en particulier pour le distinguer ou le qualifier, automatiquement ça indique et ça désigne la science de la charia. C'est-à-dire, si tu dis la science, automatiquement c'est la science de la charia qu'on parle. Et si tu parles d'une autre science que de la science de la charia, tu dois spécifier la science de telle chose, comme la science de ou la connaissance de la physique ou de la chimie ou des mathématiques ou de l'ingénierie ou autre, ou de la médecine, d'accord? Mais sinon, quand on dit science, la science, c'est automatiquement la charia, la science de la charia. Et quand on parle des ulama, automatiquement on parle des ulama de l'islam. Si on parle des ulama de d'autres domaines ou des savants dans d'autres domaines, on doit spécifier de quel domaine on parle. D'accord? Parce que la vraie science, c'est la science qui vient d'Allah. Et c'est la science de la révélation. D'accord? Donc, ça c'est un point important pour répondre justement. Parce qu'il y en a qui essaient de dire, oh oui, il faut répondre. Il disait ça dans sa conférence, il disait, il faut donner le respect, il faut les respecter, les gens qui étudient la médecine ou d'autres domaines. Mais c'est pas le même respect que les ulama de la charia, de l'islam. Et il disait comme par exemple, quand quelqu'un doit faire une opération et qu'il est à je sais pas combien de millimètres de la moelle épinière ou de je sais pas quoi d'un nerf et qu'il doit être très très très précis dans son opération, là arriver à ce niveau là, eh bien ça c'est de la science, donc ça c'est du ilm. Et ça c'est la même, il est comme si en voulant dire que il faut pas mettre ça à un niveau plus bas que la science de l'islam ou des ulama. C'est des choubouhat. Le fait que la science soit précise ou qu'elle soit très importante ou très dangereuse ou quoi, ça ne fait pas en sorte qu'elle soit au niveau de la charia d'Allah. Puisque si quelqu'un arrive, par exemple un médecin, quelqu'un arrive avec la science de la médecine, est-ce que c'est ça qui va le sauver au jour de la résurrection? Bien sûr que non. Même si c'était le médecin le plus qualifié, le plus savant. Et souvent les grands médecins, aujourd'hui il y en a parmi eux, ce sont des koufars, des mouchriquins, des idolâtres, des juifs, des chrétiens. Est-ce que ça va les sauver de l'enfer, le fait qu'ils sont des grands médecins? Non. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut remettre les choses à leur place et savoir la différence entre les ulama et les ulama de la dunya, c'est pas la même chose. Il y a des choses qui ont parlé de ça. Le cheikh il dit, أما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه. Parce que les ikhwan, ils mettent beaucoup de concentration sur les études de la dunya. Et ils se valorisent par ça. Et même des fois, ils se permettent de parler de la religion et de donner des cours sur l'islam parce qu'ils ont étudié des choses qui ont rapport avec la dunya. Et donc parfois vous allez voir certains d'entre eux qui donnent des conférences, qui donnent des discours sur l'islam et qui donnent, qui écrivent leur titre de docteur, hein, par exemple, avant de le faire. Puis leur domaine d'étude, c'est pas la charia d'Allah. Leur domaine d'étude, c'est la chimie, c'est la physique, c'est la médecine, ou c'est d'autres domaines. Même parfois, c'est des gens qui sont docteurs en lettres, hein, ou en d'autres choses, et ils donnent des conférences sur l'islam, hein, et puis ils disent le docteur un tel. Ça, c'est une forme de talbis. Tu trompes les gens, hein, en leur disant que tu es docteur. Tu parles de, c'est comme si par exemple quelqu'un est un docteur en charia, puis il va donner un cours sur la médecine nucléaire, et puis il va dire docteur un tel, et puis il va parler d'un autre domaine qui est même pas le sien, hein, vous imaginez. Si un docteur en, je sais pas moi, un docteur en chimie va donner une conférence sur la religion, sur l'islam, et il dit je suis un docteur, ça fait une forme de tromperie, hein, c'est pas correct. Lorsque vous voyez que les Ikhwan organisent des grosses conférences maintenant, c'est que pour faire un spectacle, c'est tout. Parce que la réalité, c'est que premièrement, est-ce que tu peux faire une grosse conférence comme ça en une journée? Tu invites une dizaine de conférenciers pour faire des conférences pendant une journée de 8 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, et que ces 10 personnes-là vont parler des questions sur l'islam, en plus des conférences satellite et tout. Comment ils vont faire en une journée pour faire toutes ces conférences-là? Déjà, des fois, on fait des séminaires, hein, et on a le temps de faire peut-être maximum 5 conférences par jour, hein, une après chaque prière, ou bien des fois même, ça dépend. Hein. Et puis, pour que les gens restent concentrés et assidus dans toutes les conférences, dans toute la journée, du matin jusqu'au soir, et qu'ils aient le temps en même temps de se reposer, de manger et de tout ça, et d'organiser un grand événement comme ça, de louer un endroit comme le Palais des Congrès, qui coûte des milliers de dollars pour louer, hein, juste pour une journée, c'est déjà, hein, puis tu fais payer pour entrer 25 $ par personne ou plus, hein, si c'est une famille c'est 60. Comment tu vas faire, hein, pour faire tout ça? Impossible. Et les gens, ils vont sortir de ça avec aucun bienfait, ou bien un petit bienfait par rapport à qu'est-ce qu'ils pourraient vraiment apprendre. Il n'y a pas de ilm dans ça. C'est que du show business, hein? Et c'est pour de l'argent seulement. Et donc c'est pas surprenant. Et en plus, ils sont tellement ils ont tellement peur en même temps de qu'est-ce que les médias vont dire, qu'ils vont s'empêcher même de dire les choses que les musulmans ont besoin d'entendre pour être bien guidés dans leur vie et dans leur famille. Hein? Ils vont cacher la vérité. Donc c'est pour ça, il ne faut pas s'attendre de quoi que ce soit de la science de la part des Ikhwan, parce que c'est pas leur domaine. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, « وَأَمَّا الْعِلْمُ الدُّنْيَاوِي فَمَنْ جَهِلَهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ومن تعلمه فهو مباح له وإذا نفع به الأمة وعليكم السلام ورحمة الله وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة ولكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة لماذا لم تسأل الذي يقول إذا وضع في قبره ربي الله الإسلام ديني نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو يقال له من أين حصلت هذا قال قرأت كتاب الله وتعلمته. Donc le cheikh il dit que la science de la dunya, la science de la dunya, celui qui l'ignore, il ne commet pas un péché. Il n'a pas commis de péché en ne l'étudiant pas. Et s'il l'a appris, alors c'est permis pour lui, c'est mubah. Et s'il utilise cette science qu'il a appris de la dunya pour faire du bien aux musulmans, alors il sera récompensé pour ça. Hein? Mais si l'individu meurt tandis qu'il n'a pas appris, c'est ça, si l'individu meurt et qu'il n'avait pas appris les sciences de la dunya, il ne sera pas questionné au jour de la résurrection par Allah. Pourquoi tu n'as pas étudié la médecine? Pourquoi tu n'as pas étudié la chimie? Pourquoi tu n'as pas étudié la science? Allah ne va pas le questionner pour ça. Hein? Toutefois, hein, celui qui est mort et qui n'avait pas étudié la science qui était obligatoire à chaque individu, parmi la science de la charia, en particulier la science qui est nécessaire, comme on l'a dit, alors lui, il va être questionné au jour de la résurrection. Pourquoi tu n'as pas appris? Pourquoi tu n'as pas questionné? Pourquoi tu n'as pas demandé aux savants? Hein? Et lorsqu'on va le mettre dans sa tombe, hein, celui qui va être capable de répondre aux questions des anges, qui, on va lui demander qui est ton Seigneur, il va dire mon Seigneur c'est Allah. On va lui demander quelle est ta religion, il va dire ma religion c'est l'islam. On va lui demander qui est ton prophète, il va dire mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui il va être sauvé. Hein? Et quand on va lui poser la question d'où as-tu appris ça, il va dire je l'ai appris dans le livre d'Allah, je l'ai étudié. Amma alladhi a'rada 'an dhalik فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فهذا مؤجج عليه قبره نارا والعياذ بالله ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه ويصبح في حفرة من حفر النار والعياذ بالله لأنه ما درى وما تلا فيقال له ما دريت ولا تليت أو لا تروت فهذا لم يتعلم ولم يقتدي بأهل العلم وإنما هو ضائع في حياته فهذا الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله. Donc le cheikh explique, il dit, en ce qui concerne la personne qui s'est détournée de la science obligatoire, lorsqu'il sera questionné dans sa tombe au sujet de ses questions, il va dire quoi? Il va dire ha ha, je sais pas. Hein? Il va crier comme ça. Hein? Et il va dire je sais pas, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai dit moi aussi. Hein? Il va dire j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai répété. C'est-à-dire il disait ça mais sans aucune conviction, sans aucune connaissance. Il fait juste suivre les gens, qu'est-ce que les gens ont dit. Et celui-là, sa tombe va s'enflammer. Hein? Il va se remplir de feu, et sa tombe va se rétrécir sur lui jusqu'à ce que ses côtes commencent à s'entrelacer et commencent à entrer les unes dans les autres, et sa tombe devienne un trou parmi les gouffres de l'enfer. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas su, il n'a pas récité le livre d'Allah. Hein? Et on va lui dire tu n'as pas su et tu n'as pas récité, et donc il n'a pas appris et il ne s'est pas basé, il n'a pas suivi l'exemple des hommes de science, et donc il est perdu dans sa vie, il est perdant dans sa vie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc ça c'est celui qui aura comme destination le malheur. Et il a, soit c'est un musulman ou soit c'est un hypocrite. Hein? Un munafiq. Il a dit j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai répété. C'est un hypocrite. C'est pas un vrai mu'min. Tandis que le musulman, lui, s'il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et en principe, il est supposé de savoir les réponses à cette question, à ces questions. Il est supposé de savoir que son Seigneur c'est Allah, que sa religion c'est l'islam, que son prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il ne le sait pas, eh ben, c'est parce que, soit parce qu'il était inconscient ou insouciant, ou bien parce qu'il était hypocrite, ou bien parce qu'il était faible. Barakallahu fik. Comme le frère il dit, même Cheikh Al-Fawzan il l'a dit, il l'a dit dans plusieurs cours, il a dit même si quelqu'un dans cette dunya il était savant de l'islam, et qu'il n'était pas sincère, il n'était pas solide ou ferme sur sa foi, au jour de la résurrection, il ne sait pas répondre, dans sa tombe, il ne sait pas répondre aux questions. D'accord ? Donc, c'est pas juste la connaissance, le fait de dire, par exemple, j'ai accumulé un nombre de sciences ou j'ai mémorisé beaucoup. Non, c'est pas seulement ça, c'est al-ikhlas et al-sidq, la sincérité, la véracité. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Le cheikh, il dit ensuite, na'am, donc il dit ensuite, فقوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا وهو عبادته وحده لا شريك له فأول ما يجب على العبد هو معرفة ربه عز وجل وكيف يعبده. Le cheikh explique que la science, donc ici, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est de connaître, c'est obligatoire. La science qui est exigée de tous les musulmans, c'est la science de la charia. Que ce soit en groupe ou en tant qu'individu, c'est obligatoire pour nous de l'étudier. Et c'est quoi cette connaissance ou cette science? C'est premièrement, comme le cheikh il le dit, c'est de connaître Allah. De connaître, ça il faut le noter, ça c'est important de le noter, c'est de connaître Allah par ses noms et par ses attributs, et de connaître le droit qu'il a sur nous, c'est-à-dire qu'on l'adore lui seul, sans partenaire et sans associé. Et ça c'est la première chose qui est obligatoire pour le serviteur, de connaître Allah par ses noms et par ses attributs, et de savoir comment l'adorer, de savoir comment l'adorer. La première chose qui est obligatoire pour un musulman là, c'est quoi? C'est de connaître Allah. Si tu connais pas Allah, tu connais rien. Si tu connais pas Allah, tu connais rien. Et comment tu vas le connaître Allah? Tu connais Allah par ses noms et par ses attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Donc il faut connaître ses noms, il faut connaître ses attributs et connaître qu'est-ce que signifient ses noms et qu'est-ce que signifient ses attributs et qu'est-ce qu'ils impliquent ses noms et qu'est-ce qu'ils impliquent ses attributs. D'accord? Et ensuite, tu dois également connaître le devoir que tu as envers ton Créateur. C'est-à-dire le droit qu'il a sur toi, le droit que Allah a sur toi. Et ça, c'est quoi ce droit? Le droit que Allah a sur nous, c'est qu'on l'adore lui seul. Donc, son droit, c'est l'adoration. D'accord? Ça, c'est important. Et alhamdoulilah, vous voyez par exemple l'importance d'apprendre et d'appliquer. Et ça, on va en parler. C'est le deuxième point qu'on va parler, mais peut-être pas aujourd'hui parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais au moins de savoir l'importance par la suite de l'application de la science. Le cheikh il explique ensuite, il dit donc wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi. Donc ça c'est quand on parle de la science là, on parle de la science, mais c'est quoi cette science? C'est la science de connaître Allah, de connaître son prophète et de connaître la religion de l'islam avec les preuves. Donc le cheikh il explique la première partie, c'est-à-dire de connaître Allah. Il dit قوله وهو معرفة الله كيف يعرف العبد كيف يعرف العبد ربه يعرفه بآياته ومخلوقاته فمن آياته الليل والنهار ومن مخلوقاته الشمس والقمر كما يأتي بيان هذا إن شاء الله. Donc le cheikh dit que la science est de connaître Allah. Comment le serviteur peut connaître Allah? Par deux choses, par ses signes et par ses créations. Par ses signes et par ses créations. Bon, on va expliquer, comme le cheikh il va l'expliquer tout à l'heure, les détails de ça. Mais il mentionne parmi les signes d'Allah la nuit et le jour, et parmi ses créations le soleil et la lune. Et on va expliquer ça, comme le cheikh dit, ça va venir, inshallah. Après, il dit, wa yu'arafu Allahu bi ayatihi al-kawniyya wa ayatihi al-qur'aniyya. Idha qara al-qur'an, arafa Allah, subhanahu wa ta'ala, annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ard, wa annahu huwa alladhi sakhara ma fi as-samawati wal-ard, wa annahu huwa alladhi yuhyi wa yumit. وهو على كل شيء قدير وأنه الرحمن الرحيم فالقرآن يعرف بالله وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا فإذا قرأت القرآن عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. Donc le cheikh il dit, on connaît Allah par ses signes dans la création et par ses signes dans la révélation. Ça, c'est les deux références, les deux sources pour connaître Allah. On connaît Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, par sa création. Qu'est-ce qu'il a créé? Le soleil, la lune, la nuit et le jour, ainsi de suite. Ça, c'est des choses quand on regarde autour de nous dans la création, on reconnaît les signes d'Allah. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ayat al-kawniyya, les signes qui sont reliés à la création d'Allah. Ça nous indique que Allah existe et sa grandeur. Al-ayat al-kawniyya, al-kawniyya, ça vient de al-kawn, c'est-à-dire le fait qu'elles existent par la création d'Allah et par son ordre. Quand il dit kun fayakun, donc c'est pour ça qu'on appelle ces signes-là kawniyya, parce qu'elles sont créées par l'ordre d'Allah et par le verbe impératif d'Allah. Allah leur ordonne d'exister et ils existent. Hein? Donc ça, ce sont les signes d'Allah kawniyya, et il y a les signes quraniyya, c'est-à-dire les signes qui sont dans la révélation, dans le Coran. Donc, lorsque tu lis le Coran, tu connais Allah. Il mentionne qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre, que c'est lui qui a assujetti les cieux et la terre, tout ce qui est dedans et tout ce qui est à l'intérieur. Donc Allah, il contrôle tout et il gère tout et il a le pouvoir sur toute chose. Et c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Et c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. Et il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve dans le Coran et qui nous informent au sujet d'Allah, qui il est. Donc le Coran nous parle d'Allah et nous dit qui il est et nous le fait connaître. Hein? Donc il dit également que c'est lui qui a donné à chacun d'entre nous toutes les grâces qu'il possède et que c'est lui qui nous a créés et qui nous a donné notre subsistance. Donc lorsque tu lis le Coran, tu apprends à connaître ton Seigneur par ses noms, par ses attributs et par ses actions. Et ça, c'est très très important, parce que celui qui ne connaît pas Allah, il ne peut pas l'aimer. Celui qui ne connaît pas Allah, il ne peut pas le craindre. Hein? Et celui qui ne connaît pas Allah, il ne peut pas avoir l'espoir en lui. Ou en d'autres mots, celui qui ne connaît pas Allah, il ne peut pas l'adorer. Et vous voyez que les koufars et les mouchriquines, ou les athées par exemple, ceux qui refusent de se soumettre à Allah, souvent ils refusent de ils refusent la foi à cause de leur ignorance et ils se rebellent contre Allah à cause de leur ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de leur mauvaise connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est possible aussi que des musulmans ignorent certains attributs ou certains noms d'Allah et qu'à cause de ça ils commettent des erreurs dans leur façon de comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier les gens de bid'ah qui nient les noms d'Allah ou les attributs d'Allah ou qui les déforment de leur sens réel, hein, comme les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya. Ce sont des différentes sectes qui ont différents degrés d'égarement au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, ça, c'est des égarements très dangereux et très graves. D'accord? Il y en a aussi qui dévient dans ça parce qu'ils ont des problèmes dans le qadar, dans la prédestination. Et la prédestination, ça fait partie des actions d'Allah et de la puissance d'Allah. Donc, celui qui nie le qadar, il nie les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, tout ça, c'est relié aussi. Hein, au signe d'Allah et au fait de connaître Allah. Donc ça, c'est fondamental. Et il dit donc ensuite, wa idha nazarta fil kawn arafta rabbak subhanahu wa ta'ala wa annahu huwa alladhi khalaqa hadha al khalq wa sakhara hadha al kawn wa ajrahu bi hikmatihi wa ilmihi subhanahu wa ta'ala hadha huwa al ilm billahi azza wa jal. Donc on voit qu'il y a deux références ou deux sources pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit là les signes dans la création et les signes dans la révélation. Sauf que les signes dans la création, comme par exemple lorsque tu regardes le ciel ou l'univers, tu vois que c'est Allah qui l'a créé. Tu reconnais ton créateur, ton Seigneur, et que c'est lui qui a créé ça et qui a assujetti tout ce qui est dans cet univers-là et qui le gère et qui le fait avancer selon sa sagesse. Donc ça, c'est selon sa sagesse et selon sa science. Donc ça, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne te permet pas de connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les détails ou de façon détaillée. Et les gens d'égarement, souvent ils ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils se sont limités à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les signes dans la création. Et quand ils ont lu la révélation, le Coran ou la Sunna, ils ont vu dedans des choses qui, selon leur logique à eux, ou selon leur raison à eux, ou selon la logique des Grecs de l'Antiquité, comme les philosophes, selon eux, ça venait en contradiction avec les règles et les principes logiques qu'ils avaient établis. Donc ils se sont en fait inventé un dieu dans leur esprit. Et ils ont essayé d'imaginer ce dieu-là comment il est, en se basant sur la logique et sur l'observation de l'univers. Et donc ils se sont dit, notre dieu il est comme ça, ou il n'est pas de telle façon, ou il n'est pas de telle façon, il n'est pas de telle façon. Et ils se sont basés sur cette idée-là qu'ils se sont faite dans leur esprit pour définir Dieu. Puis quand ils ont ouvert le Coran, ils ont trouvé des versets et des également dans la Sunna, ils ont trouvé des hadiths qui venaient contredire l'idée qu'ils s'étaient imaginée dans leur esprit à propos de Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de nier ces choses-là, de nier les versets, ou de changer leur signification, ou de déformer leur signification pour que ce qui est dans le Coran soit en accord, ou ce qui est dans la Sunna soit en accord avec l'imagination qu'ils avaient eux-mêmes dans leur tête à propos de Dieu. Hein? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dévié du droit chemin à propos de la foi en les noms et des attributs d'Allah. Et ça, on va y revenir, Inch'Allah, plus loin dans le livre, en détail. C'est juste pour que vous sachiez qu'on ne se base pas seulement sur les preuves de la création pour définir Allah ou pour connaître Allah, hein, mais on se base principalement sur la révélation, parce que c'est la révélation l'explication de qui est Allah subhanahu wa ta'ala dans les détails. Par ses noms et par ses attributs, Allah il nous aide à le connaître. Hein? Donc ça c'est très important. Et le cheikh il dit donc que Ensuite il dit wa qawluhu ma'rifatu nabiyhi wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li'annahu huwa al-muballigh 'an Allah wa huwa al-wasita baynana wa bayna Allah fi tablighi ar-risala la budda an ta'rifahu wa ta'rif man huwa وتعرف نسبه وتعرف بلده وتعرف ما جاء به وتعرف كيف بدأه الوحي وكيف قام بالدعوة إلى الله في مكة والمدينة وتعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. Donc le cheikh il dit également tu dois connaître le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, connaître son prophète, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui vient transmettre la révélation d'Allah et il est l'intermédiaire entre toi et Allah dans la transmission du message. Quand on dit intermédiaire entre toi et Allah, pas intermédiaire entre toi et Allah dans l'adoration comme le font les mouchriquines ou les soufiines ou les gens de bid'a ou les qumouriines qui prennent les hommes comme des intermédiaires entre eux et Allah, non. Pas dans l'adoration, intermédiaire dans la transmission de la révélation et du message. D'accord? Et ça, c'est deux choses différentes. Donc, tu dois savoir ça à son sujet. Tu dois savoir qu'il est le messager d'Allah. Tu dois savoir qui il est également, sa lignée, sa généalogie, hein, de qui il descend. De quel endroit il vient dans le monde, de connaître ce qu'il a ramené, c'était quoi, de connaître par quoi par quoi il a commencé son message, sa da'wa, qu'est-ce qu'il a reçu en premier comme révélation, comment il a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala quand il était à la Mecque, quand il était à Médine, de connaître sa vie, hein, et son histoire, et sa biographie, même si c'est en résumé. Mais tu dois connaître ça, ces choses-là. D'accord? Le cheikh, il dit ensuite, Al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, huwa Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muntalib, ibn Hashim, ibn Abdu Manaf, ila akhir al-Nasab, al-Nabawi al-Sharif, al-Ladhi, yantahi ila Ibrahim alayhi salam, wa ta'rifu kayfa aasha qabla al-Bi'atha, وكيف جاءه الوحي من الله عز وجل وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته وتعرف ذلك بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ولا يليق بالمسلم أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتبع شخصا وأنت لا تعرفه هذا غير معقول. Donc le cheikh il dit que également c'est de connaître donc le messager, hein, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de savoir que c'est son nom c'est Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ila akhir al-nasab. Ça on va l'expliquer, de toute façon on va revenir à sa généalogie quand on va arriver à l'explication du troisième principe, al-asl al-thalith, c'est-à-dire la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va expliquer la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail à ce moment-là, mais c'est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdu Manaf, jusqu'à la fin de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui termine avec Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire il est descendant de Ibrahim. Et ensuite il dit, et tu dois savoir également comment il a vécu avant qu'il soit envoyé comme prophète par Allah. Comment il a vécu avant, parce qu'il a été prophète à l'âge de 40 ans. Hein? Donc comment il a vécu avant? Il faut connaître ça. Il faut étudier, donc connaître un peu sa biographie. Comment, le cheikh il dit, comment est-ce qu'on pourrait accepter de la part d'un musulman qu'il ignore le messager sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu peux suivre quelqu'un, tu ne le connais pas? Le cheikh dit, c'est pas logique. Comment tu peux le suivre alors que tu ne le connais même pas? Hein? C'est pas logique. Le cheikh il dit, ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يعني on peut s'arrêter ici, la connaissance de l'islam avec les preuves, on peut s'arrêter ici et puis expliquer, sinon en 3 minutes peut-être il y aurait juste un paragraphe, on peut l'expliquer en jeu. Oui, ok. On va lire ça, puis après on va s'arrêter. Le Cheikh dit: Ma'rifatu din al-Islam, alladhi huwa din hadha al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Bal huwa din Allah, azza wa jal, alladhi amara bihi ibadah, walladhi amaraka bittiba'ihi wa anta mutalibun bihi, la budda an ta'rifa hadha al-Din, wal-Islam huwa din jami'a al-Rasul. Donc le Cheikh il dit que tu dois connaître la religion de l'islam. Et c'est la religion de ce prophète. Hein? Et c'est la religion d'Allah qu'il a ordonné à ses serviteurs de suivre. Il t'a ordonné de suivre cette religion. Et tu es exigé donc par Allah de l'appliquer. Donc tu dois la connaître. C'est-à-dire tous les êtres humains sont exigés de suivre cette religion et c'est l'islam qui est la religion de tous les messagers. Le cheikh il dit tous les messagers, كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام فكل من اتبع رسولا من الرسل فهو مسلم لله عز وجل ومنقاد له وموحد له هذا الإسلام بمعناه العام إنه دين الرسل جميعا فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. Donc le Cheikh il dit tous les messagers leur religion c'est l'islam en général, de façon dans sa signification générale, tous les messagers leur religion c'est l'islam. Donc Moïse, sa religion c'est l'islam. Jésus, sa religion c'est l'islam. Abraham, sa religion c'est l'islam. Noé, sa religion c'est l'islam. Adam, sa religion c'est l'islam. Tous les messagers, les prophètes d'Allah, chacun d'entre eux, ils sont venus avec la même religion qui est l'islam. Ça c'est dans sa signification générale, c'est-à-dire dans le sens que l'islam c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant et en appliquant le tawhid et de lui obéir, hein, en se soumettant à lui par notre obéissance et en se désavouant du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. En se désavouant du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Ça, c'est la définition de l'islam, puis on va y revenir de toute façon. Ça c'est dans la signification générale. أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام والإسلام انحصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لليهود أن يقول أنا مسلم أو النصراني أن يقول أنا مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص. Donc le Cheikh explique, il dit, en ce qui concerne l'islam, dans sa signification plus particulière, hein, donc là, on parle de l'islam dans sa signification plus particulière, c'est ce que Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du dernier des messagers, il n'y a pas d'autre religion excepté sa religion. Et donc, l'islam, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est devenu uniquement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené et rien d'autre. Et on peut dire donc que après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam se limite uniquement à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Et donc dans ce sens-là, il n'est pas possible à un juif aujourd'hui de dire qu'il est musulman. Il n'est pas possible non plus à un chrétien aujourd'hui de dire qu'il est musulman après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire ça s'il suit l'exemple de son prophète réellement, sans avoir déformé son message et sans avoir appliqué ou commis du shirk dans la croyance, dans l'adoration. Il peut dire qu'il est musulman avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pas après. D'accord? Et après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux seulement être musulman si tu suis qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc il n'y a plus d'islam excepté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, comme Allah il le dit dans le verset 31 dans surat Ali Imran, dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah va vous aimer. Hein? Ça c'est une preuve importante lorsque vous parlez avec des gens de bid'ah ou d'autres parmi les gens, n'importe qui, mais en particulier des gens de bid'ah, des fois ils disent qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils font des innovations. Alors quand vous connaissez ce verset là vous leur dites: si vous aimez vraiment Allah, alors suivez le prophète. C'est le verset 31 dans surat Al-Imran: si vous aimez Allah vraiment, suivez le prophète. Hein, écrivez ça, écrivez ce verset. Ça c'est une réponse aux gens de bid'ah qui disent qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des bid'ah. Ça c'est important, ce verset là c'est une preuve parmi les preuves qu'on utilise pour les réfuter. Le verset 31 dans sourate Al-Imran dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah va vous aimer en retour. Ça c'est l'islam dans son sens. Donc on peut comprendre par là qu'il y a deux significations à l'islam. L'islam dans son sens large, général, et l'islam dans son sens particulier et spécifique. Et donc il faut comprendre la distinction et la différence entre les deux. Ça c'est important aussi, de savoir que il y a le mot islam dans son sens large qui inclut tous les prophètes et tous les messages que les prophètes ont amenés avant l'islam, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam dans son sens particulier qui est la dernière révélation d'Allah aux hommes, c'est-à-dire wa alaykum salam, c'est-à-dire le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu bil adilla la bit taqlid وإنما بالأدلة من القرآن ومن السنة هذا هو العلم. Donc le cheikh il dit, quand on dit de connaître l'islam avec ses preuves, c'est-à-dire pas connaître l'islam juste parce que tu le connais par tradition ou pas en suivant aveuglément, tu répètes des choses sans comprendre ou sans preuve. Non, tu dois connaître l'islam avec les preuves du Coran et les preuves de la Sunna. C'est obligatoire. Et c'est ça la science. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inchallah, et on continue la semaine prochaine dans cette explication là. Bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.